Racine, Idas. Vous savez qu'on s'en peut reposer sur ma foi, que ces portes, Seigneur, n'obéissent qu'à moi. Venez. Quel est donc le secret que tu me veux apprendre? Idaspe, Seigneur de vos bienfaits, mille fois honoré, je me souviens toujours je vous ai juré d'exposer à vos yeux par des avis sincères tout ce que ce palais renferme de mystère. Chagrin paraît enveloppé. Quel songe effrayant cette nuit l'a frappé. Pendant que tout gardait un silence paisible, sa voix s'est fait entendre avec un cri. Était dans ses discours, il s'est plaint du péril qui menaçait ses jours. Il parlait d'ennemis, de ravisseurs farouches, même le nom. Il a dans ses horreurs passé toute la nuit. Enfin la dame un sommeil qui le fuit pour écarter de lui ses images funèbres. L'effet de son règne avec soin amassé par de fidèles mains chaque jour sont tracés monuments éternels d'amour et de vengeance. Ce récit. Idas, vous savez qu'on s'en peut reposer sur la foi de ses portes, Seigneur. N'obéissent qu'à moi. Venez partout ailleurs.